Juste avant son émission. Bonjour Anne. Bonjour Julie. Le programme de ça pique, mais c'est bon. Tous les mercredis, vous savez qu'on reçoit un invité. Aujourd'hui, on a Michel Onfray. Waouh, dis donc, ça va aller haut, hein. C'est très haut de gamme, hein, vous allez voir. Vous allez le piquer? On va le piquer, mais ça va rester très bon. À tout de suite. Bonjour Maxime Switek. Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. C'est à vous pour les titres d'Europe Midi. Oui, Europe Midi dans une demi-heure, 12h30, 13h15, vous le savez, trois quarts d'heure pour faire le tour de l'actualité. Avec à la une aujourd'hui les profs qui ont pris un peu d'avance, ils ont fait leur rentrée ce matin avant les élèves demain. Des enseignants pas forcément rassurés, on le verra, à l'idée par exemple de devoir appliquer la dernière réforme du collège, vous les entendrez dans une demi-heure. À 12h30 également, c'est l'image de la matinée, la passation de pouvoir entre Emmanuel Macron et Michel Sapin. Je me devais de prendre la mer. Voilà ce qu'a déclaré Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs filé la métaphore nautique pendant toute une partie de son discours de départ. Les baisses d'impôts, quelles baisses d'impôts? Réunion ce soir à l'Elysée pour en déterminer l'ampleur. On essaiera de voir ce que peut vraiment faire le gouvernement. Dans 30 minutes, nous nous pencherons également sur l'un des problèmes qui touche la SNCF en ce moment. La compagnie a du mal à suivre la cadence des départs en retraite. Elle n'arrive pas à former suffisamment de conducteurs pour remplacer ceux qui partent. Et du coup, elle se retrouve obligée de supprimer des trains. Et puis, un point complet à venir sur le mercato en foot. Bah oui, à minuit ce soir, il sera trop tard. Mais les dernières heures pourraient voir quelques stars changer d'air. Balotelli, Sissoko, les choses sont en train de bouger à l'heure où nous parlons. Et on vous racontera tout ça. Voilà le programme d'Europe Midi. Rendez-vous à Nissa, donc dans une demi-heure. 12h30, 13h15, Europe Midi. À tout à l'heure. À tout à l'heure, nous serons là au rendez-vous. Merci beaucoup, Maxime Switek. Tout de suite, Anne Roumanoff vous détend et vous amuse avec son invité, Michel Onfray. Très belle journée à tous à l'écoute d'Europe 1, il est midi. L'Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Midi, midi 30, mais c'est bon, mais c'est bon, c'est bon, mais c'est bon. Anne Roumanoff. Bonjour à tous, il est midi. Bon appétit à ceux qui passent à table et bonne digestion à ceux qui sont en maison de retraite et qui ont déjà déjeuné. Nous sommes le mercredi 31 août, 244e jour de l'année. Bonne fête aux Aristides, aux Rosaines, bon anniversaire à Vincent Delerme. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans et surtout, bon anniversaire à Richard Gere. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de prévention des overdoses. La drogue, c'est pas bien, ça pique et c'est pas bon. Autour de la table aujourd'hui, les deux crises de cette émission, Christine Bérou et Christophe Deslandes. Bonjour à tous. Ils sont faciles à reconnaître. Christine Bérou, c'est celle qui n'a pas de barbe. Aujourd'hui, nous recevons un invité prestigieux. On est très impressionnés. Le philosophe star, la star des philosophes. Un des électeurs... Oh là, j'ai du mal. Un des intellectuels français les plus lus dans le monde, le polémiste made in Normandie, Michel Onfray. Europe 1, Anne Roumanoff. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. On est très honorés de vous avoir dans cette émission. Bah merci, vous êtes gentil. Made in Normandie, ça me va tout à fait. Oui, ça me convient. Vous allez bien Michel Onfray? Oui, ça va. Vous avez l'air détendu. Ben je le suis. Mais souvent à la télé, vous êtes énervé. C'est parce qu'on m'énerve. Ah. Vous allez voir, si vous m'énervez, je vais me retendre. Mais là, vous êtes charmant. Ben je le suis. Vous êtes tendu parce que vous revenez des Marquises, c'est ça? Ah non, je reviens du Gers. Ah. C'est moins loin, mais j'ai fait trois conférences sur Nietzsche et la musique dans un petit village, Castelnau, qui était extraordinaire. Donc les gens sont fantastiques, les tomates sont extraordinaires et les bières sont très fraîches. Mmh. Vous, quand vous mangez bien, ça va en fait? Pas seulement, mais oui, ça fait pas. Vous plaignez souvent que les gens vous haïssent, Michel Onfray. Moi, je ne vous hais pas. Ah, vous... Je me plains pas. Non, ça fait partie du jeu. Je suis très clivant, comme on dit. Donc, il y a ceux qui me détestent, puis il y a ceux qui m'aiment bien. Et c'est un peu normal quand on est très clair sur ses prises de position qu'on ait quelques ennemis. Donc, je m'étonne pas d'en avoir. Et puis, il y a un tas de gens un peu nuls dont c'est le métier de détester tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne. Enfin, c'est l'esprit un peu français, ça. Ça vous énerve ou vous en avez pris votre parti avec philosophie, on va dire? Oui. Disons que ça fait tellement longtemps que ça dure qu'il y a un moment donné où ça passe ou ça casse, ça a passé. Enfin... Alors vous verrez, ici on est gentil, même quand ça pique, ça reste bon. Alors Michel Onfray, la philosophie c'est un des sports de combat les plus utiles dans la vie quotidienne, ça aide à relativiser. Par exemple, quand on s'est fait larguer, on peut dire « un de perdu, 10 de retrouvé ». Non, ça c'est ma grand-mère. On peut dire « un clou chasse l'autre », ça c'est un copain gay. Mm-hmm. Non, on peut dire aussi « il est vraiment rare qu'on se quitte bien, car si on était bien, on ne se quitterait pas », ça c'est Marcel Proust. Mais surtout, on peut employer cette phrase de Nietzsche hein, « tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». Vous savez Michel Onfray que cette citation est multifonction, on peut l'utiliser pour tout. les piqûres de moustiques, un coup de soleil, le chômage, le deuil, ou quand on se cogne le doigt de pied dans une porte, aïe, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ça a même servi pour une publicité de voiture, cette phrase de Nietzsche. Donc effectivement, ça sert à tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la publicité de voiture? J'ai pas très bien compris, mais je pense que les publicitaires non plus. Donc il fallait un peu, c'est un peu la mode de dire n'importe quoi et de citer des philosophes aujourd'hui. Donc vous mettez une citation auquel personne ne comprendra rien, vous mettez Nietzsche, puis vous mettez une grosse berline allemande et on a l'impression vraiment que c'est fait pour s'entendre. C'est quoi votre citation préférée, Michel Onfray? Ah non, j'ai pas de citation préférée. Ceci dit, il y a des moments dans l'existence, moi j'ai lu Nietzsche, j'avais 15 ou 16 ans, et il y a des phrases comme ça qui vous marquent en vous disant, mais finalement c'est majeur une phrase comme ça. Et Nietzsche dit un oui, un non, une ligne droite. Ça vous plaît? Oui, parce qu'il faut savoir à quoi on dit oui. Quand on sait à quoi on dit oui, on sait à quoi on dit non. Et quand on a dit oui, on y va et ça roule. Ça permet de construire une existence. Et on pourrait même faire une pub de voiture, une ligne droite. Alors, si on se fait surprendre en flagrant délit d'infidélité, on peut aussi citer Kierkegaard. Ah, oui. Je note. Ça t'intéresse? Il est trop peu d'en aimer une seule, en aimer le plus grand nombre possible. Voilà qui est jouir, voilà qui est vivre. C'est beau ça, non? Oui, mais aussi quand on se fait prendre au lit comme ça avec peut-être, je sais pas, la copine de votre femme. Il y a Helvétius qui est un autre philosophe du XVIIIe siècle qui rapporte cette anecdote assez drôle. Il y a la femme qui est au lit et qui dit à son mari et qui la voit effectivement avec son meilleur copain au lit et lui dit si tu crois ce que tu vois, c'est que tu ne m'aimes pas. Ah. Merci Michel Onfray d'être avec nous ce midi. Vous et moi, on est très différents. Vous êtes intolérant à la bêtise. Moi, je gagne ma vie en racontant des bêtises. Alors, soyez indulgents avec tout ce qu'on pourra raconter dans cette émission. Pour vous qui aimez jouir de tout, vous verrez que quand ça pique, ça peut être bon. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Michel Onfray, vous connaissez Chris Delonde? Depuis 10 minutes. On se connaît très bien. Il est moins connu que vous, hein. C'est malheureux. Pour l'instant, pour l'instant. Alors, il a fait votre portrait. Bon. N'hésitez pas à l'interrompre et à le frapper si vous n'êtes pas d'accord. Coloscopie. Coloscopie. Michel Onfray. Christophe Deslandes. Coloscopie, l'émission qui sonde le tréfonds de l'âme. Michel Onfray, bonjour. Oh, j'ai une pression, moi, ce midi. Oh, j'ai eu 2 sur 20 au bac en philo. Il n'y a qu'un truc que je sais, c'est que je ne sais rien. Bon, vous allez me dire, c'est un bon début, mais ça s'est trop vu au bac. Michel Onfray, vous êtes normand, professeur, philosophe, écrivain, intellectuel, universitaire, poète, gourmet, hédoniste et fondateur de l'Université populaire de Caen. Oh, intellectuel français. Oh, ça, c'est un truc que le monde entier nous envie. Mais vous, vous êtes atypique. Oui, vous n'habitez pas Paris, mais Caen. Vous n'allez pas boire votre café au Flore, mais chez Roger, au Balto, à l'angle de la rue de Bayeux et du boulevard Richemont. Vous n'avez pas de palais à Tanger, pas de femme chanteuse lyrique pop. Vous ne commentez pas l'actualité mondiale depuis le boulevard Saint-Germain. Non, non, vous êtes un terrien. Vous êtes né dans une ferme, vous avez bossé pour payer vos études et vous avez développé une pensée originale qui séduit et irrite beaucoup de monde. Vos détracteurs et vos turiféraires se déchirent à chacune de vos déclarations, à chaque fois c'est la bataille d'Hernani. Vous êtes le Lili préféré des bobos comme moi. Oui, Lili, libéral, libertaire. Vous êtes à la fois un peu réac sur la morale et totalement babacool sur les libertés individuelles. Vous êtes athée mais chrétien. Vous êtes de gauche radicale mais pas anticapitaliste. Vous prenez la décroissance mais vous remplissez des édits à chacune de vos conférences. Je suis certain qu'au resto, vous prenez fromage, dessert et café. Mais fromage 0%, dessert sans gluten et décaféiné. L'un des grands combats de votre vie, Michel Onfray, c'est la bataille pour la connaissance. La connaissance, c'est antidote à tous les obscurantismes. Avec votre université populaire, vous avez replacé le débat au cœur de la vie. Et pour aller plus loin, vous lancez dans les prochains jours une web TV qui sera un espace de confrontation des idées. Vous avez envie d'avoir votre propre canal de diffusion car vous êtes lassé par les médias traditionnels qui ne laissent pas le temps aux idées complexes de s'exprimer. C'est juste? Oui. Voilà. C'est vrai que parler de Nietzsche en 30 secondes, coincé entre une couillonne de la télé-réalité qui sait même pas appeler son prénom et un chroniqueur frustré aux cheveux gras, c'est pas évident. Vous vous opposez à la queue de comète de la société du spectacle, la société qui confond abrutissement et divertissement, à la société qui finalement prive les pauvres de l'accès au beau. C'est sûr, on est loin du grand échiquier, de radioscopie ou d'apostrophe. Vous publiez le 15 septembre l'éclipse de l'éclipse, le 3e tome de votre journal intime, sous la forme de haïku, qui sont des petits poèmes japonais. Alors, modestement, j'ai tenté d'en composer un pour vous. J'ai peur. Le paysan d'Argentan, regard vif argent, me toise content. Michel Onfray, merci de votre présence parmi nous ce midi. Pour finir, dernière question. Et Dieu dans tout ça. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff. Michel Onfray, je vous présente une grande fan, Christine Bérouche. Vous avez beaucoup de fans? J'ai plein de gens qui m'envoient des courriers, des mails, qui m'arrivent dans la rue. C'est vrai? Vous n'avez jamais eu de réponse? Bon, je réponds, normalement. Bon, en tout cas, Michel Onfray, on le sait, vous êtes incollable sur les gens très intelligents. La question que je me posais, c'est est-ce que vous y connaissez en personne un peu moins intelligente? Oui. Voilà, je vais vous faire des petites citations et vous allez essayer de deviner. Voilà, le public peut participer. Alors, qui a dit « Le soleil, il est là-bas, mais la lune, elle est là-bas, je comprends pas. Quand il va faire nuit en France aussi, est-ce qu'il voit la même lune que nous ou pas? Moi, je pense qu'il y en a au moins deux. Si nous, on a la lune là, comment en France, ils l'ont aussi ?» Personne ne sait ça. Et ben c'est Kim dans l'émission Les Marseillais à Rio, voilà, qui pensait qu'il y avait deux lunes. Voilà. Vous connaissez pas Michel Onfray? Pas du tout. C'est un couillon. Michel Onfray est consterné. Non, non, non, non, non, mais Kim, je me dis, qui est Kim? Vous avez peut-être la suivante. Qui a dit « Je m'y connais en ouvrier, j'en ai licencié des milliers ». C'est Bernard Blier dans un film Non, c'est non. Donald Trump. Ah oui. C'est encore plus grave. C'était sérieux. Ensuite, prochaine citation. Qui a dit « Cette dispute, c'était la guerre mondiale de 78 ». Kim de la télé. Non, presque. Presque. Juste au-dessus de Kim, il y a Nabila. Bravo. Vous connaissez Nabila, Michel Onfray? Oui, pour ses frasques, quoi, plus que pour son intelligence. Mais... J'ai pas lu son livre. J'ai pas lu ses livres. Elle a pas lu les vôtres, non. Alors, qui a dit « Motus et bouche cousue, je serai silencieux comme une tombe de prison ». Vous savez, non? Pour être un footballeur, ça. Presque. C'est Moundir. Voilà. Mais j'ai... Il ne connaît pas. Mais j'ai une phrase de footballeur, si vous voulez. Qui a dit « Arrêtez de vous battre ». Je vous avoue pas. Oui, Ribéry, bravo. C'est un genre de baseball, ça, plutôt. J'avais que l'embarras du choix sur Ribéry, hein. J'ai beaucoup hésité. Alors, qui a dit me faire passer pour quelqu'un qui serait raciste alors que j'ai justement des amis qui sont arabes, dont ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire que arabe, je trouve ça choquant. Nadine Morano. Bravo. Qui a dit, celle-là c'est ma préférée, qui a dit, est-ce que tu savais qu'il y avait de la neige au pôle sud? Quand même, ça m'étonne parce que moi j'habite dans le sud et j'ai jamais vu de neige. Non, petite idée, vous êtes atterré. Eh ben c'est Evangélie. Ah. Voilà. Alors attention, pour finir, j'ai mis un petit piège parce que c'est quelqu'un, il y a un débat, on sait pas trop si c'est un philosophe ou quelqu'un de très bête. C'est vous qui allez dire. Qui a dit, moi, Adam et Ève, j'y crois plus, tu vois, parce que je suis pas un idiot, la pomme ça peut pas être mauvais, c'est plein de pectine. C'est Jean-Claude Van Damme. Alors, est-ce que Jean-Claude Van Damme est un philosophe ou pas? J'ai pas lu ses œuvres complètes. Voilà, c'est tout, merci. Europe 1. Mais c'est bon. Michel Onfray, j'ai lu beaucoup de textes où vous vous énervez contre l'infantilisation de la société, et notamment les gens qui font de la trottinette électrique. Oui, mais même pas électrique, trottinette du coup. Ça vous énerve, les adultes en trottinette? Oui, parce que je ne suis pas d'accord avec Zemmour quand il dit qu'il y a une féminisation de la société. Je pense qu'il y a une infantilisation de la société et que la télévision... C'est la même chose. Oh, ça va, allez. Mais oui, tout est fait pour qu'on soit pas adulte. Et quand je vois ces grands adultes sur des trottinettes avec des shorts, là, avec des chaussures de sport, en train d'écouter des trucs avec des écouteurs, qui ont des tatouages partout, comme dans le temps, on faisait des trucs avec les malabars, vous savez, des faux tatouages, mais là, ce sont des vrais, hélas. Et je me dis, effectivement, il y a une infantilisation qui me déplaît. On peut plus être adulte, plus personne n'est adulte. Si on revendique un peu de virilité, y compris chez les femmes, hein, moi, je pense que vir, en latin, l'étymologie, c'est homme, c'est l'humain. Donc, évidemment, il y a de la virilité aussi chez les femmes, pas seulement chez celles qui n'ont pas de moustache ou de barbe. et immédiatement, tout ça est interdit au nom du féminisme, mais c'est pas mais ça. C'est la société du loisir, en fait, qui crée ça. En fait. Oui, c'est ça. Et quand on a des enfants, effectivement, on les amuse. Et on les cultive pas, mais on les amuse. Donc, il faut leur vendre des objets. Les distrait, qu'on les... Voilà. On les divertit au lieu de les éduquer, en fait. Oui, absolument. Les enfants sont faits pour devenir des adultes, et les adultes ne sont pas faits pour rester des enfants. Quelle belle phrase, hein. Vous êtes sur France Culture. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de Ça pique, mais c'est bon, avec Michel Onfray qui nous fait monter dans des hauteurs intellectuelles. On n'a pas l'habitude. Hein. Christine Bérou et Chris Deland, ne bougez pas. Ça pique, mais c'est bon. Reviens dans un instant sur Europe 1. Bonne année scolaire avec Carrefour. Alors, il faut 5 stylos billes noirs pour Zoé, 2 rouges et 4 verts pour Max et pour Claire que des bleus. Mais t'embête pas maman, chez Carrefour jusqu'à lundi seulement, il y a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le lot de 27 stylos billes cristal. Waouh ! Je te sauve là. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi ? Pour une bonne année scolaire avec Carrefour, jusqu'à lundi, profitez de 50% d'économies sur la carte Carrefour sur de nombreux produits, comme le lot de 27 stylos Bic Cristal. Pointe moyenne, coloris assortis, modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Aviva s'adresse à vous. Vous, les couches tard, les lève-tôt, très souvent les deux à la fois. Vous qui êtes plus souvent là-bas que là. Vous qui êtes « désolé, je suis un peu en retard » ou même « désolé, je ne pourrai pas ce soir ». Vous qui êtes parfois loin de vos proches. Vous, les passionnés, pour qui les samedis ressemblent de plus en plus à des lundis. Vous, les pros. Parce que vous n'avez pas toujours le temps de vous déplacer, votre assureur Aviva vient à votre rencontre pour analyser vos besoins. Aviva, la bonne idée. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Ici, la 308 allure. La berline compacte par excellence avec navigation sur écran tactile, projecteur full LED et aide au stationnement. Une œuvre majeure à un prix remarquable. Pendant les immanquables Peugeot, la 308 allure suréquipée est à partir de 249 euros par mois. Avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. On se retrouve dans moins d'une minute sur Europe 1 avec Chris Deslandes, Christine Bérou et surtout Michel Onfray. En ce moment, c'est le Happy 55e anniversaire Auchan. Anniversaire veut dire cadeau. D'ailleurs, j'ai entendu parler de voitures à gagner. Oh, ben dis donc, ça m'intéresse. Attends, écoute. Jusqu'au 13 septembre, Auchan fête son anniversaire et met 55 Renault Twingo en jeu. Alors tentez votre chance chez Auchan et dans les magasins à deux pas. 55 Renault Twingo à gagner. Super. Et 10 Renault Twingo de plus sont à gagner dans les magasins Simply Market. Auchan, la vie que j'aime. Jeu gratuit sans obligation d'achat pour l'ensemble des magasins et sites participants. Voir règlement sur Auchan.fr. Happy égale heureux. En ce moment, pour toute intervention vitrage, Carglass vous offre une carte de lavage Total Wash de 40 euros. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 septembre. Et c'est valable dans toutes les stations de lavage Total Wash. Ça en fait des lavages. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les 880 stations acceptant la carte Total Wash. Conditions sur carglass.fr. C'est cette année? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Michel Onfray, notre invité avec nous ce matin, Christine Bérou et Chris Deslandes également. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va toujours bien, Michel Onfray? Ça va. Pourquoi ça toujours va bien? Je sais pas. Je ne suis pas soumis à la question, ça va. Michel Onfray, à un moment, vous avez décrété que vous alliez faire une diète médiatique, vous étiez agacé. C'est vrai, ça, ou c'est fini? Il y a eu cette expression « diète médiatique ». Puis après, c'est devenu, il y a des gens qui aimeraient tellement que la diète, ce soit pour moi le fait que je fasse une grève de la faim totale et définitive, quoi. Ils voudraient qu'on ne m'entende plus et qu'ils se sont dit une diète médiatique. Voilà. Alors évidemment, dès que j'ai commencé à parler, on a dit, ça n'a pas duré longtemps. Mais j'ai jamais dit, je vais faire une diète médiatique de 10 ans. J'ai juste dit, je vais choisir les lieux. Vous, je vous aime bien. Je suis venu ici chez vous parce que je vous aime bien. Je fonctionne à l'affectif. Et nous, non. Vous, je ne sais pas, mais j'ai bien. Et je me suis dit, j'ai trop fait de choses où on dit des choses importantes et où on se fait massacrer par un faux comique, vrai méchant, et tout le travail qu'on a fait se trouve détruit parce qu'on a fait ricaner des gens avec des mauvais mots, enfin des prétendument des bons mots, mais qui vous assassinent. Et je me dis, bah effectivement, ces émissions-là, j'ai pas envie d'y aller. Je préfère m'amuser avec Andrew Manoff, que j'aime bien, parce que personnellement, j'ai envie, ça me fait plaisir, c'est de l'hédonisme d'une certaine manière, et puis ne plus aller dans des endroits où on sait très bien qu'on ne pourra pas penser. Moi, je pense qu'on peut penser dans des émissions où on est drôle, où on plaisante, dans la mesure où on n'est pas méchant. Et donc, il y a un moment donné, je me suis dit, je vais aussi créer mon média indépendant, pas seulement pour moi, parce que ce sera le média de l'Université Populaire. Ça fait des années que l'Université Populaire, ce sont des amis, mais on dit toujours Michel Onfray, l'Université Populaire, mais il y a 20 personnes qui font ça avec moi. On a des cours de psychologie, de psychanalyse, d'architecture, de jazz, d'économie, tout ça est bénévole, tous les gens sont gratuits. Est-ce qu'il y a des gens à qui ça a changé la vie de prendre ces cours? Oui. Qui ont changé d'orientation professionnelle ou humaine? Oui. Ou... Oui. Ben un jour, j'étais à Brest, je faisais une conférence dans une librairie, il y a quelqu'un qui était dans un coin là-bas, qui bougeait pas, qui me regardait étonnamment, comme ça, fixement, on sait pas ce qui se passe, puis tout le monde est parti, et puis il est pas venu me voir. Il y a toujours quelqu'un qui attend la fin, et puis qui vient, et puis qui a des choses à dire, maintenant vous allez me donner 2 heures, quoi. Et lui, il est pas venu. Et l'équipe m'a emmené en direction du restaurant, il était 22h30, quelque chose comme ça, et lui suivait. Et puis j'ai dit, écoutez, allez-y, moi je voudrais parler à ce monsieur. Je suis allé un peu plus loin. J'ai dit, monsieur, vous venez avec nous, on va dîner. Donc il me dit, ah non, j'oserais pas, je voulais me dire quelque chose. Et puis il me dit, ben voilà, moi j'étais footballeur professionnel. Un jour, je vous ai entendu à la radio, et il me dit, je me suis arrêté. J'ai écouté votre cours, et il me dit, j'ai pleuré. Je me suis assis dans la voiture, j'ai pleuré. Il me dit, je ne savais pas qui vous étiez. Et j'ai acheté un de vos livres, puis deux, puis trois. Puis j'en ai acheté plein, etc. Puis il me dit, j'ai tout lâché. Ma femme, mes enfants, je dis, c'est pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire. Mais peut-être reconstruire votre couple plutôt que de le détruire. Et puis il me dit, non, mais j'ai compris, j'étais sur une mauvaise voie, etc., etc. Donc des exemples comme ça, j'en ai plein. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Handballeur professionnel. Europe 1, midi, midi 30, Anne Romanoff. Christine Béroux, elle dispose de son temps. Oui. Une autre. Donc c'est vraiment votre fan la plus absolue. Elle va et vous oui, expliquer. Tout à l'heure, vous parliez des adultes qui se prennent pour des enfants. Moi, je suis une adulte avec une voix d'enfant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai croisé il y a quelques mois dans les couloirs d'Europe 1. Et en fait, je vous ai dit cette phrase. Et j'étais très gênée. Je me suis dit, ouais, j'espère qu'il a cru que je citais un philosophe allemand. Mais en tout cas, je me suis dit, allez, cette fois, je me refais. Parce que, en fait, je suis comme vous. Je suis très philosophe. En tout cas, bon, je vous l'avais jamais dit, mais en fait, j'ai fait 2 ans de philo. Enfin, j'ai fait 2 ans de philo. J'ai redoublé ma terminale. Et sachez que, non, je suis vraiment très très fan de vous. Je possède tous les enregistrements des conférences que vous avez données à l'Université Populaire de Caen. 400 heures de philosophie qui m'ont coûté environ 1000 euros en téléchargement légal. Ah oui, c'est cher, mais c'était un bon investissement parce que c'est grâce à ça que je suis chroniqueuse à Europe 1 et pas sur Énergie 12. En tout cas, j'ai envie de vous dire plein de choses. Grâce à vous, je n'ai plus peur de la mort. Voilà, ça c'est important. Petit sondage rapidement. Levez la main ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. D'accord, maintenant, levez la main ceux qui étaient venus assister à l'émission justement pour éviter de penser à ce genre de choses. Ok, je change de sujet. Grâce à vous, j'ai appris que Sartre était un enfoiré, que Freud était un gros enfoiré, que Sade était un très très gros enfoiré. Vous aimez tellement parler des enfoirés, je serais pas étonnée que prochainement vous fassiez une conférence sur mes ex. Grâce à vous, j'ai découvert plein de philosophes qui ont changé ma vie, l'abbé Mélier, Reich, Jérémy Bentham, Nietzsche. Plus impressionnant encore, grâce à vous, j'ai appris à orthographier Nietzsche. Mais surtout, grâce à vous, j'ai appris à utiliser la philosophie pour résoudre mes problèmes. Par exemple, en ce moment, j'ai un souci. Mon fiancé me trompe. Merci beaucoup pour votre spontanéité. Quelle surprise. Donc vous, Michel Onfray, votre adage, c'est ni Dieu ni maître. Et ben l'adage de mon copain, c'est ni Dieu mais une maîtresse quand même. Donc en fait, j'ai demandé, comme vous, Anne, tout à l'heure, aux philosophes ce que je devais faire. Et voici ce qu'ils m'ont répondu. Diderot m'a dit qu'en tant que philosophe des Lumières, sur ce coup-là, il pouvait déjà affirmer que je n'en étais pas une. Descartes m'a dit, je pense donc je suis sûre que c'est pas la première ni la dernière fois qu'il te trompe. Machiavel m'a dit de me venger. J'ai demandé, est-ce que c'est ce qu'on appelle le machiavélisme? Et il m'a dit, non, c'est ce qu'on appelle la méthode Valérie Trahweiler. Plutôt que de demander des conseils à Platon, Aristote ou Épicure, je leur ai directement envoyé mon fiancé. Voilà, en d'autres termes, je l'ai envoyé se faire voir chez les Grecs. Karl Marx m'a dit de ne pas être une femme possessive, que c'était du capitalisme affectif. Nietzsche m'a dit que notre couple était pareil à Dieu. Alors moi, j'ai dit, ça veut dire que c'est grand et puissant. Et il m'a dit, non, ça veut dire que c'est mort. Freud m'a dit que le problème n'était pas que mon fiancé me trompait, que le problème était que j'étais amoureuse de mon père. Simone de Beauvoir m'a dit plutôt de demander à Jean-Paul Sartre, parce que dans leur couple, en termes de tromperie, c'était lui le spécialiste. Maître Yoda m'a dit qu'arrêter de tomber amoureuse des mauvais garçons, je devais. BHL m'a dit de voir directement avec son agent pour ses tarifs. Et Michel Onfray vient de s'endormir. Voilà, donc au final, j'ai décidé d'écouter personne et d'appliquer ma propre philosophie qui est tu as un problème, faisant des chroniques et vend les très chers à Anne Romanoff. Voilà, Michel Onfray, je vous ai écouté pendant 400 heures dans ma vie et là vous venez de m'écouter pendant 3 minutes. Vous me devez encore 357 minutes. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Europe 1, midi, midi 30, Anne Romanoff. Michel, on fait un conseil quand on se fait tromper? Eh ben, considérez que ça fait partie du mouvement du monde depuis toujours. Ah bon? Chacun a l'impression que ce qui lui arrive, ça ne lui arrive qu'à lui et que personne d'autre n'a connu ça. C'est aussi vieux que le monde, les cocus, les mariages à trois, etc. Regardez Plaute, Terence, toute la comédie romaine ancienne. Mais ça console pas Molière. De se dire ça. Si, parce que c'est un peu comme la mort. Se rebeller contre la nécessité, ça n'a pas de sens. C'est ainsi, donc voilà. Alors soit on construit son couple autrement que sur les vieilles fictions, monogamie, fidélité, mariage, enfant, cohabitation, etc. Et c'est ce que je pense que c'est ce qu'il faut faire. Quand on aime quelqu'un, faut pas vivre avec. Il faut pas lui faire d'enfant non plus. Et puis il faut pas non plus se promettre ce qu'on peut pas tenir. Tous les copains qui vont se marier, je leur dis, ah bon, fais attention, hein, les époux se doivent mutuellement fidélité et assistance. Mais non, c'est pas vrai, je dis, mais à quoi on dit oui quand on se marie? Donc ne pas s'engager, parce qu'on le dit souvent, évidemment, mais la cause première du divorce, c'est le mariage. Donc, si on se marie pas, il n'y a pas de divorce. On peut fabriquer des couples dans lesquels on passe des contrats en disant je veux ça, je veux pas ça, ça je peux aller jusqu'ici, ça je peux pas aller jusque-là. La fidélité du corps, c'est pas la fidélité de l'âme. Ah. Ça, j'ai le soutien d'un garçon. Hein, j'ai mais des jeunes filles qui me regardent bizarrement. Et, on va appeler ma femme si ça vous ennuie pas. Si on est capable d'être fidèle toute la vie, on propose d'être fidèle. Puis voilà. Après, ça dépend quel âge on a, parce qu'après, absolument, la vie est plus courte quand t'es à mon âge, par exemple. Je veux dire, que quand t'as 20 ans, tu promets fidélité, que quand t'as 50, c'est plus. Non, mais la libido n'est pas la même à 20 ans. Ah, détrompez-vous. Ça vous laisse. Vous avez raison, hein, mais... Chez les femmes, c'est pas exactement la même chose que chez les hommes, effectivement. Mais nous, cher ami. Tout à fait. Chris Deslandes vous a préparé un petit interview, Michel Onfray. Oui, Michel Onfray, vous savez, nous sommes le 10 mai 2017. Vous venez d'être élu président de la République. Alors, vous devez composer votre gouvernement. Alors, vous prenez qui ? À Matignon, vous nommez Camus ou Sartre ? Ah, Camus, ça c'est sûr. Un peu. À la condition féminine, Rousseau ou Althusser ? Althusser. À la défense, Sun Tzu ou Pascal ? Sun Tzu quand même, oui. Ouais. Aux affaires étrangères, BHL ou BHL ? Je m'occuperai personnellement de ces choses-là. À la culture, Voltaire ou Aristote ? Voltaire. À l'éducation nationale, Descartes ou Diderot ? Diderot. À l'intérieur, Hegel ou Heidegger ? Oh là, alors là, l'idéal, ce serait ni l'un ni l'autre, mais plutôt Hegel. Et à l'économie, Marx ou Proudhon ? Ah, Proudhon, c'est mon chéri, ça. Je sais. Ouais. Et enfin, au ministère du Bonheur, vous nommez qui ? Anne Romanoff. Ah. Oh. Non, ce serait Épicure. Michel Onfray, vous êtes né en Normandie et on va vous faire un petit interview made in Normandie. Les vaches rousses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, et les cerisiers blancs, made in Normandie. Michel Onfray, vous êtes né en Normandie, vous avez été élevé en Normandie, vous habitez en Normandie et vous travaillez en Normandie. Vous avez un problème avec le soleil ? C'est pas faux. Via mon père, la descendance est viking. Les Onfray sont en Normandie depuis 10 siècles. Donc voilà, j'ai pas trop le choix, vous avez raison, dès que je me mets au soleil, je deviens rouge et je ne bronze pas. Michel Onfray, vous avez créé l'Université Populaire de Caen. Université Populaire, c'est où qu'on cause que c'est facile, que tu comprends tout ce que tu dis ? Je ne vous le fais pas dire. En revanche, je veux bien vous donner un scoop. L'Université Populaire fonctionne depuis 2002 de manière nomade, on va, on vient, il y a des gens qui nous invitent, qui nous prêtent des locaux. Et la nouvelle équipe régionale, Hervé Morin en l'occurrence, qui est le nouveau patron de la Normandie réunifiée, m'a demandé ce que j'aurais comme projet pour la Normandie, j'en ai donné quelques-uns, dont un qui est l'Université Populaire en dur à Caen. Donc nous travaillons à un bâtiment pérenne et c'est bien parti. Il est en construction ou il est sur plan ? C'est une friche industrielle de 2500 m² qu'on va probablement réhabiliter pour en faire une espèce de lieu. Vous parliez de Proudhon tout à l'heure, mais une espèce de lieu proudhonien où on pourrait dire, moi j'en ai marre du jacobinisme, de la centralisation parisienne en politique. Tous les prochains candidats aux présidentielles sont tous des jacobins. Il faut une espèce de révolution girondine où on puisse revenir avec, en force avec la province, avec des parlements provinciaux et puis avec la possibilité de dire, mais en province il y a des talents et tous les talents aujourd'hui sont obligés, comme on dit, de monter à Paris pour exister, c'est-à-dire on nourrit Paris mais on assèche les provinces. Moi je voudrais que ça puisse être une espèce de laboratoire en disant mais regardez, on peut sur place faire des choses de qualité, pas seulement moi mais je dirais avec les amis qui sont les miens. Donc on va faire un restaurant, on va faire une salle de spectacle, un lieu d'exposition, une maison d'édition, enfin toutes ces choses-là pour montrer que on peut faire de la culture en province. Michel Onfray, c'est parce que vous venez de Caen que vous avez des tripes. Alors ? Oui. Michel Onfray, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que ça dure, oui, que ça continue. Il y a peu de vrais problèmes dans la vie. Juste quand on est en face de... Vous êtes un homme heureux, Michel Onfray. Oui, absolument. Je suis pas malheureux. Et aujourd'hui, je me suffis du fait que je ne suis pas malheureux. Et aujourd'hui, ne pas être malheureux, c'est souvent être heureux, à mon âge. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à Chris Deslandes, Christine Béroux et à Michel Onfray pour sa patience.